Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur fasse reposer toutes ses bénédictions sur cette assemblée ce matin. Et que lui-même puisse conduire ce service encore ce matin. Parce que c'est lui sur qui nous comptons. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre Dieu. Il est notre tout en tout. Que son nom soit élevé. Nous inclinons nos têtes. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci cette énième opportunité que tu nous donnes d'être encore dans ta présence ce matin. Nous croyons fermement que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu as promis, tu le réalises toujours. C'est toi qui as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Nous croyons que tu es ici, Seigneur. Puisses-tu le confirmer encore ce matin? Ta présence nous rassure. Ta présence sauve. Ta présence guérit. Ta présence change. Même un bois mort recevra la vie. Seigneur, viens à notre secours. Nous abandonnons à toi pour la gloire de ton saint nom. Parle comme jamais auparavant. Seigneur, que ton ange, Seigneur, fasse le tour de la salle. Et que tout esprit en ces lieux soit soumis à la conduite du Saint-Esprit. Brise le pain pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous lever. Nous prenons Exode 23. Exode 23. Toka makumbi na tatu. Suivez attentivement, surtout pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine. Mufate na utaratibu yote, zaidi wala wakwe pamoja nasi kadiri ya jenga. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ces choses n'ont pas été écrites pour Israël seulement. C'est pour l'église du Nouveau Testament. Et l'église du Nouveau Testament, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. L'église du Nouveau Testament, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Frank, c'est nous tous rassemblés. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, quel est le lieu qui a été préparé pour nous? C'est la nouvelle Jérusalem. Dieu nous a appelés frères et sœurs pour que tout arrive à destination. Dieu ne nous a pas appelés, frères, pour que nous ayons une cité permanente sur la terre. Amen. Amen. Il y a une ville qui est préparée pour nous. Et l'ange du Seigneur est sur la terre pour soutenir les élus afin de rendre possible ce voyage jusqu'à sa destination. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. C'est ce que nous devons faire, nous les élus. N'écoutez que le Saint-Esprit. C'est ce que l'Église doit faire. Ne prêtez oreille qu'à ce qui vient de la Bible. Amen. Amen. Ne lui résiste point. Ne faites pas des choses contraires à la parole de Dieu. Soyez obéissant. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu sauve quelqu'un, le frère ou la sœur reçoit une nature obéissante. Et Dieu compte beaucoup sur ça. Amen. Amen. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Cet ange-là, c'est le Seigneur lui-même. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, voyez, c'est maintenant Dieu lui-même, tout ce que le Seigneur te dira, et par la grâce du Seigneur, le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, parle à chaque cœur ici. Que nous Il ne parle pas par la voix de la prédication. Mais aujourd'hui, Jésus parle dans nos cœurs. Faites très attention à toutes les voix qui s'élèvent en vous. Vous discernerez quand est-ce que Jésus parle. Et ce sera très clair pour vous. Et toutes les fois que Jésus vous parle, observez, en vous indiquant la parole de Dieu écrite. Tout raisonnement qui s'élève en vous, toute pensée, vérifiez ça avec la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme à l'écriture, rejetez, ça vient de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez trouver dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, la Bible est claire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne prêtez pas attention. Les esprits parlent. L'homme, frère, ma soeur, est le terrain sur lequel le Saint-Esprit affronte les mauvais esprits. Et cette bataille ou ce front-là, c'est fait dans l'esprit de l'homme. Satan te propose, Satan parle, les démons parlent, le Saint-Esprit aussi parle. Nous vivons un temps où il y a trop de voix qui nous parlent. Mais faites attention au milieu de toutes ces pensées, tous ces sentiments qui se lèvent en nous, il y a la voix de Dieu. Et la voix, quand Dieu vous parle, vous allez, rassurez-vous, quand Dieu vous parle, il vous indiquera une écriture ou deux pour vous rassurer ou vous mettre en sécurité. Quand vous voyez quelque chose qui s'élève en vous, sans être appuyé par une écriture, ça vient de l'ennemi. Rejetez ça. Peu importe la beauté ou l'apparence que ça peut avoir, il y a la mort derrière chaque pensée, chaque sentiment, chaque intention ou chaque voix qui s'élève en vous. Amen. Amen. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai, promesse, l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Frère, qui est plus fort que Dieu? Quelle situation peut dépasser Dieu? Ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Et lui-même entrera en scène. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Verset 23. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele sur toute la terre. Badunia yote mzima. Suivez très bien. Ufate mzuri. Sur toute la terre. Badunia yote mzima. Il n'y a pas d'homme ou femme les plus sécurisés que des croyants. Hakuna watu wanaume wala wanawake wenye kulindwa vizuri kuliko waaminifu. Baaminifu beko hapa. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Hakuna mtu. Il n'y a personne, mon frère. Mwanaume au mwanamke. Ou femme. Eko mukingo ya yulu kama ina mwaminifu. Dans une haute sécurité si ce n'est qu'un croyant. C'est pourquoi vous voyez le Saint-Esprit dans Pierre là. Donc on a un Rome tactif dans 1 Pierre je crois chapitre 2. Moi Petro a quand sur la pile anasema hivi. L'honneur est pour vous qui croyez. Dieu, quand il nous regarde, Mungu, tazama, il a beaucoup d'estime pour quiconque a cru véritablement. Et Dieu devient sécurité, mon frère, na Mungu, na ta sécurité, ma frère, na ma Mungu, na kwanza kukinga dada. Amen. Ne vous agitez pas. Apana kubabaika, apana. Mon ange sera, marchera devant toi. Malaika wangu atakutangulia. Et te conduira na kongoza, chez les Amoréens, Amorea, les Étiens, Phéréziens, Cananéens, Éviens, et Jébusiens, et je les exterminerai. Na malizaka, délivrance totale. Ukombozi ya utele. Total. Ya utele. Akuta kuyaka zambi, itatawala mtoto ya Mungu wa byakwe. Dominé sur un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Akuta kuya mambo itashindo mtoto ya Mungu wa biakweri. Parce que zambi yote, car tout péché, mambo yote, tout problème, itakutana na Yesu Kristu. Se rencontrera avec Jésus Christ. Amen. Itakutana na Yesu Christ. Se rencontrera avec Jésus Christ. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Usikilize namna gani Roho Mtakatifu anasema. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atakutangulia. Prédication apportée le 13 février, vendredi. Maubiri lubiriwa le 13 février 1953. Suivez ce que le Saint-Esprit déjà en ces temps-là. Mfate, ile Rome takatifu mwile wakati. Pendant que nous n'étions même pas encore nés. Écoutez ce que le Saint-Esprit disait déjà pour nous. Il fait allusion et on a semé, hein? Il fait allusion à l'année à Moïse et tout, l'expérience du buisson ardent. Et on a semé en Dieu à Moussa, on a eu un jour les femmes qui dit à moto. Et avant que Moïse ne citation 4 au milieu, avant que Moïse descende en Égypte après son appel, Quand il était au désert ce matin-là, wakati alikuwa mjangwa ile asubuhi, pesant les brebis de Jethro son beau-père, mkulisha kondo ya Jethro baba yake, il a vu un buisson en feu. Akaona kijiti moto. Eh bien, hivi basi, je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Naamini kwamba ilikuwa kuonekanishwa kwa kwanza kwa malaika wa Bwana. Il était dans ce buisson ardent. Alikuwa kama ile kijiti ya moto. Et alors, quand il a commissionné Moïse et qu'il lui a dit ce qu'il devait faire, na pala alimupa Musa kazi na kumuonesha ile alipasha kufanya. Il a marché devant lui en Égypte. Et quand ils sont sortis, na wakati balitoka, il était de nouveau sous la forme du feu, une colonne de feu. Alikuwa vile vile tena muhali ya nguzo ya moto. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, na ile nguzo ya moto ilianza kuongoza watoto wa Israeli, était le même ange qui était dans le buisson ardent. Alikuwa kama malaika moya moya ule alikuwa kama kijiti ya moto. Amen. Citation Nukta 7. Ya saba. Maintenant, sasa, tout au long de ce voyage, kadiri ya ile safari, il a promis de pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Arilaka kutupatia yo, kutangulia kutayarisha yote ile tutahitaji. Attendez. Ah, pardon, citation 6. Samani, nukta sita. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Ali laka kuya Mungu wakati ya tabu. Un secours immédiat. Musaada ya pale pale. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Ali laka maneno haya na kuya kuwasaidia. Ah, voilà la phrase que j'ai recherchée. Sarufi na kutafuta. Et maintenant, na sasa, ce qu'il était à l'époque, il alikuwaka munyakati ya zamani, il l'est aujourd'hui. Ce qu'il était na eko leo, ce qu'il était au temps de Moïse, il alikuwaka mwakati ya Musa, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Le Mungu eko leo, le même esprit de Dieu, il est romo ya moyo ya Mungu, qui a conduit Israël, il est longoza Israeli, il est celui qui conduit l'église aujourd'hui. Il est kunongoza kanisa leo. L'église, kanisa, ce n'est pas ce bâtiment. Aine maskani, le même esprit, ile romo ya moya, le même ange ule malaika moya qui moya, conduisait Israël, ule kongozaka Israël lors de leur sortie, wakati kutoka kwabo, et le même ange, ule malaika moya moya, chaque vrai croyant, ila mwaminifu wa chaque kweli, vrai croyant, ila dada wa kweli, est avec cet ange-là. Eko na ule malaika, il est le même ange eko malaika jusque moya ce matin hata kufika qui doit leo, porter la parole. Ule anapasha kuleta neno. Amen. Qui doit porter la parole. Ule anapasha kuleta neno. Et nul ne peut venir, nul ne peut être sauvé, si cet ange-là ne vient pas frapper à la porte de ton cœur, ne vient pas te convaincre, ne vient pas ouvrir ton esprit pour que tu sois converti. C'est pourquoi nous amenons aux eaux de baptême des hommes et des femmes en qui l'ange est arrivé auprès de qui? Amen. Des gens qui ont été convaincus, pas par un prédicateur, mais des gens, des hommes et des femmes, petits ou garçons, petits ou grands, auprès de qui l'ange lui-même a commencé l'œuvre dans cet homme ou dans cette femme. Amen. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël, il est l'ongoza Israël, et celui qui conduit l'église aujourd'hui. Amen. En nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise, c'est le même ange qui nous fait traverser notre parcours terrestre. Munashikia, njo eko netusindikiza musafari yetu mudunia. C'est lui qui nous accompagne dans notre pèlerinage sur cette terre. Mambo mundoa, le problème dans le mariage, viachara, le problème dans le business, mambo mwili, que ça soit dans la mambo chair, yote, dans tous nos problèmes. Il est le Dieu de toute délivrance. Niyeye njo Mungu wa ukombozi yote. Amen. Le Saint-Esprit continue. Rom takatifu anaendelea. Nous avons une terre promise, croyez-le. Il fait allusion à Jean 14, verset 1-3. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, citation 7. Tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Quelle est cette arme? La prière. La prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est quelle puissance? C'est parce que nous ne croyons pas. Et la peur. C'est pourquoi mon nom qui Christ. Raison pour laquelle vous voyez le christianisme aujourd'hui. C'est devenu comme une tradition de venir à l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ainsi. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Est-ce que les chrétiens sont ici? Je vois certaines gens somnolés, ce sera difficile. Mon frère et ma soeur, que tu puisses bien avancer, bien évoluer dans les affaires de Dieu. Si les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, les choses vont changer. Là, les choses vont changer. Alors, le problème, c'est dans notre camp. Le problème est dans notre camp. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, sœur, Dieu ne peut pas dire une chose et ne pas être en mesure de le réaliser. Ce que Dieu a fait dans les temps passés, dans les âges passés, si il n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui, il n'est pas Dieu et il ne mérite pas notre foi. Nous accordons notre foi à ce Dieu-là qui ne change pas. Contre vents et marées, il est le même. Conjoncture ou je ne sais quoi, lui demeure le même. Sa puissance est la même. Sa capacité est la même. Nous croyons en ce Dieu parce que, écoutez ce qu'il a dit, Jean chapitre 1. C'est une écriture que vous connaissez tous. Nandiko munajua mwebote. Suivez. Mufate. Jean chapitre 1. Yohano sura kwanja. Verset 12. Sura 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Kawale wote walimpokea. Bekwapa. Sont-ils ici? Bale balimpokea Yesu. Ceux qui ont reçu Jésus. Suivez maintenant ce qui vous concerne. Mufate maneno yamelekea. À tous ceux qui l'ont reçu. Kawale wote walimpokea. À ceux qui croient en son nom. Kawale wanaamini mujina lake. La parole. Neno. Jésus lui-même. Yesu ye mwenyewe. Leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapatia wale neno aliwapatia uwezo wa kuya watoto wa Mungu. Uwezo. Le pouvoir. Il n'y a pas que le. Voyez, dans le pouvoir, il y a beaucoup de choses. Le droit d'agir comme des enfants de Dieu. Le droit de commander les choses comme enfants de Dieu. En d'autres termes, Le grand Dieu le Mungu mkubwa, fait de ses enfants des dieux aussi. Amen. Amen. Le grand Dieu le Mungu mkubwa, a fait de Jésus Yesu Dieu. Kuwa Mungu. Qu'est-ce que Jésus était? Yesu alikuwa nani? Parce que souvenez-vous, il est le premier yenjo wa kwanza, né mzaliwa wa kwanza, kati plusieurs frères. Ya wanduku wengi. Regardez maintenant le modèle mfano du premier né. Ya mzaliwa wa kwanza. Il parle aux eaux. Eko anasema na maji, anasema na maji. Aux eaux agitées. Maji ile bubu ya kutoka. Silence. Inya tulia. L'eau se calme. Na maji katulia. Il est le grand frère. Yeye ni mkubwa. Au frère. Wa wanduku. Et aux sœurs. Na wadada. Et la Bible dit dans Romains. Na Biblia inasema kwa Roma. Je crois Romains 8. Zani wa Roma sura 8. Mubambe paka hapa tutaluria. Gardez les Romains 8. Revenir. Allons aux Romains chapitre 8. Chapitre 8. Romains 8. Wa Roma sura 8. Suivez tranquillement, frère. Fate na utulivu yote. La délivrance kukombolewa vient à l'écoute de la parole. Unakuja mkusikia neno. Romains 8. Wa Roma sura 8. Verset 28. Mstari 28. Nous savons tunajua que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu s'arrange dans nos vies Mungu, que toutes choses, tous les événements qui nous arrivent soient pour notre bien. Amen. Parce qu'il voudrait tailler un caractère à nous. Il veut que nous puissions ressembler à notre premier-né de, qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maneno yote yanasaidia wale wenye kumpenda Mungu, ya wale wenye wale itwa kufuatana makusudi yake. Nul ne peut venir. Hakuna wakuja. Si le père ne l'attire. Kama baba sikumvute. Et quand le père l'attire. Na wakati baba anamvuta. Il fait travailler toute chose. Yako natumikisha maneno yote. Pour ton bien. Jua faida yako. Il vise un objectif. Yako na kifukuzio fulani. Amen. Amen. Pourquoi? Il y a ce que lui avait déjà connu d'avance. Et il voudrait que chaque croyant, chaque croyante, arrive à cette, à ce stade-là. Et il entre en scène. Lui-même s'arrange pour créer des circonstances. T'amener à ce niveau-là. Amen. Pourquoi? Verset 29. Car kwani, ceux qu'il a connus d'avance, wala kujua zamani, il les a prédestinés à être semblables au Kasaï. Ou bien au Congolais. Wala na Bakongomani. Ceux-là qu'il a connus dans leur vie, yabo, tous les événements, mandamano yote, même toute la situation du pays. Ata mambo yenyewe rafiki yangu inchi. Mungu pale. So êtes-vous là? Musikie sasa. Écoutez maintenant. Même la situation de la province. Ata mambo ya jimbo. La situation du pays. Ata mambo ya inchi. Même si tu es dans une entreprise. Ata kama un kampuni. Dieu se servira de Mungu, tout lieu où tu seras. Ata tumikisha mahali yote utakuwa. Dans quel objectif? Mukifukuzio kani? Il veut que tu sois comme son, le premier né. Anapenda upate kufanana na ule mzaliwa wa kwanza. Amen. Amen. Même dans le couple où tu seras mundo tapatikana, élu, mteule, que ce soit l'homme ou la femme, wala Dieu s'arrange maneno pour yote, créer une fournaise tanuru, pour moto, que le caractère de Christ, il tabia ya Christo, soit manifestant. Ionekanishwe ndani mwako. Là, les chrétiens devraient dire Seigneur, merci. Accente buana. Je ne comprenais pas. Si kwanza kuelewa. Maintenant j'ai compris. Elewa, cette coupe. Ii, kikombe, je la boirai. Takikunywa. Tu parleras comme Jésus. Utasema saa Yesu. Avant. Mbele. Si cette coupe peut s'éloigner. Kama liwezekana hii kikombe kinipitie mbali. Kama huyu bibi yangu anakufa mimi sitakwaje. Si cette femme pouvait mourir. Kama huyu bwana wangu anakufa mimi sitakwaje. Si mon mari mourait, je serais en paix. Kama tu président bana si mchanger. Ah non, mbona tu je serais bien. Non, voyez-vous? Rien de tout, moi, Europe. Oh, que j'ai en Europe. Oh, je serai bien. Yabongo. C'est faux, tu te trompes. Bateoule. Les élus, nous sommes entre le maître de Jésus. Nous sommes entre les mains de Jésus. Et lui-même, comme il est le maître de telles circonstances, c'est lui qui occasionne ça. Amen. Il occasionne ça. Parce que lui vit que nous atteignons un stade tel que quand on nous regarde, on regarde à Jésus, ils vont dire, ah, ce sont là les frères de Jésus-Christ. Ce sont là les membres de la famille de Jésus. Du livre des Actes, c'est à Antioche. Les disciples et les croyants ne s'étaient pas eux-mêmes dit que nous sommes des chrétiens. Ce sont des gens à Antioche qui les ayant observés et ils se sont dit, ah, ces gens-ci avec Jésus, un même père, la même parole, la même foi, oh, ils ont la même nature. Et le peuple Nawatu, qu'on attend sur la terre, qui doivent être pointés pour dire que ce sont eux qui sont les enfants de Dieu. Où sont-ils? Ils sont ici. Bekoapa. Voilà pourquoi, quand la parole vient, c'est afin de dépoussiérer toutes ces choses qui embrouillent ta foi. De sorte que, dans la position où tu te trouves, Dieu est à mesure de créer le caractère de Christ. Chaque épreuve, chaque événement de ta vie, chaque circonstance, tout travail pour que toi tu sois un chrétien mûr. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, Nduku, chacun ici a fait regarder sa propre vie, à sa propre condition, à son ménage, regarde à ton parcours, tu comprends bien que je ne parle pas de tout le monde, au moins les élus réaliseront que ça c'est la main de Dieu. Je comprends que c'est Joseph Yusuf, de la Bible, quand il pouvait maintenant regarder sa vie, regardez quand ses frères sont arrivés en Égypte. Ont eu peur pour dire que non, c'est notre petit frère à tête de biche qui s'asse, il va se venger contre nous. Il a dit non. Genèse 45. Unaona sasa frère sœur. Voyez-vous, maintenant mon frère et ma sœur. Si kumambo ya Mungu. Nous en ce qui concerne les affaires de Dieu. Tukuna kuya tunatoka benekujengwa. Et nous sortons de là édifiés. Benekupata nguvu ile mishi kukwenda. Et à la force que je n'avais pas le matin en venant. Voyez-vous que l'ange du Seigneur est ici. Malaika wa Bwana kwa hapa. Ah, je vous dis. Mnemionesha. Soyez rassurés. Mwe na ile uhakika. C'est lui qui me communique dans les écritures. Et connaît l'état sa mandiko. Hapa maintenant que les élus saisissent. Wateule wapate kushika. Genèse 45. Mwanzo sura makumi na tano. Verset 4. Vous pouvez tout lire à la main. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés. C'est-à-dire, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Regardez le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Voyez comment Amen. Lui comprend les choses. Non, non, non, non, non. Ce n'est pas vous qui avez fait à ce que Malaïka, l'ange, c'est lui qui avait fait à ce que je sois ici. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur. Amen. Gouverneur wa Jimbo. Frère. Anna lette interprétation, il est bon. Il leur a donné l'interprétation qu'il n'avait pas. Les élus, frère, tout ce qui leur arrive ont un discernement total des choses. Différent de tout ce que sa famille a. De tout ce que son ménage représente. Il a une façon de voir les choses qui est différent. Même à l'école, même au marché, lui voit les choses de façon particulière. Joseph n'ait pas peur, c'était Dieu qui faisait. Il voit que Mungu, je suis dans le programme de Dieu. Les élus sont dans le programme de Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous ne sommes pas seuls. Il ne faut pas pleurnicher. Un élu, frère, entre les mains du Seigneur, Dieu a un programme et il faut que le programme se réalise totalement. Amen. Amen. Croyez-vous que même la situation du pays, la situation de la cité, peut changer à cause de la présence de Dieu? Oui. Nous croyons que même Kambof vivra un peu en paix. C'est à cause de notre présence. Tout est lié à nous ici. Quand notre préparation aura terminé, les choses seront comme du vinaigre. Amen. Amen. Dieu fait ça pour moi. L'ange est en train de faire son travail. Malaïka est comme fanya kazi. Bonne embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez cette compréhension. Amen. Amen. Deuxième exemple. Mfano ya pili. Comment ça me vient? Ça l'ange est toujours ici. Malaïka est kupaka apa. Daniel. Daniel. Frère. Nduku. Les choses se sont compliquées. Bintu kakwa nguvu sana. À Babylone. Ku Babylone. Au temps de Belshazzar. C'est Dieu Mungu qui faisait ça. C'est Dieu qui faisait ça. Pourquoi? Il voulait Alipendaka que Daniel soit manifesté. Daniel aonekanishwe. Amen. Amen. Frère. Nduku. Bantu banenda kufeti bintu bina bakunda. Les gens sont allés à la fête. Mais ils n'ont pas bien marché. Vous êtes allés chercher celui que vous n'avez pas invité. Aseme, imambo. Ce problème ici, Kiana, ce jeune homme, seul ce jeune homme peut terminer ça. Amen. Amen. Pourquoi sont-ils arrivés au point d'aller chercher Daniel? Parce que dans le passé, Zamani, il y a eu des situations compliquées. Et l'ange na malaika a démontré qu'il était avec Daniel. Meshach et Abednego. C'est très long, vous connaissez l'histoire. Frère. Tout un royaume, ufalme yote mzima, une décision tombe, mupango katoka, il faut ériger une statue, inapasha ujenga sanamu, et tout le monde doit l'adorer. Cela travaillait, il était pour le bien de Daniel. Ya Daniel. Amen. Amen. C'était pour le bien de Daniel. Ilikuwa mufaida ya Daniel. C'était pour le bien de Abednego, Meshach et les autres. Meshach, Abednego, tout travail parce que Dieu a un programme. Mungu, yake. Frère, Nduku. Tout ce qui se fait sur Mambo la terre, yote pa dunia, Dieu, lui, Mungu est dans son programme. Eko yake. Amen. Amen. Romains 8. Wa Roma je vais vous montrer l'écriture. Andiko Romains 8. Wa Roma sura munane. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Singe tout d'abord, bien tout bien, t'es bien mon. C'est nous qui hériterons toutes les choses et de Dieu. Et pas seulement nous. Na, aïna pas cachier. Co-héritier de Christ. Akini wa, donc il y a hériti pas moi, j'ai un Christ. C'est-à-dire comme vous allez voir au si toutefois, tout, nous souffrons avec lui, soit pas moi, afin d'être glorifié avec lui. Pas te coindre pour tout couser pas moi, donc nous passons un temps. Tout la pitié moi quatre il est. Humainement, ça battu, vous appellerez ça matin. Ce sont des souffrances. Mais c'est comme ça que Dieu, opère les changements dans ses enfants. Et maintenant, pour nous calmer, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Ce que vous voyez aujourd'hui, partout où vous passez, considérant ce que vous seriez, ni tout ni tout. C'est ce que vous serez. Et regardez maintenant. Voilà pourquoi, verset 19, la création attend aussi avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, c'est-à-dire, même la nature, actuellement, attend avec impatience que les véritables élus soient manifestés. La nature est dans l'impatience. Le monde s'est lassé. Mais où sont ces enfants de Dieu? Ils se manifestent, non? Mais la nature, la création, ignore que nous sommes déjà dans la télévision. Nous sommes déjà dans l'atelier et dans peu de jours, on va arrêter la fournaise et nous allons sortir. La nature se demande, la création se demande, ce que nous attendons, où sont-ils? Est-ce toi mon frère? Est-ce toi ma soeur? Je ne sais pas comment on a joué à ce moment la nature. Asili maumbile inakosa hata uvumilivu inachoka kuona banani kuja kwa M23 c'est ça et ndio vile kunongoja la nature asili yo est assoiffé iko na ile kiu sana de voir les élections de 2028 machaguzi ya 2028 la fin du règne de Donald Trump mwisho utawala wa Donald Trump la nature est impatiente et asili inakosa kuvumilia komika ijenge tena kampi ya wafanya kazi. Est-ce que la nature attend qu'on majore vos salaires? Unaongojea kusebongeze mshahara yenu. Asili yo cherche iko na tafuta ils sont où beko wapi cela que Dieu prépare bale Mungu anatayarisha la tenue dae où chapu nyewe ko wapi. Amen. Amen. La nature s'attend. Asili kunongojea. Parce que la nature. Tu maumbile kunongojea. Veut être libérée. Inapenda ikombolewe. Mais pour être libérée. Lakini njua kombolewa. Il faut que Dieu présente d'abord ses enfants. Aonekanishe mbele batoto yake. Et où sont ses enfants? Na batoto yake beko wapi? Même les arbres se posent. Hata miti kunejiuliza. Où sont ses enfants? Batoto yake benye beko wapi? Amen. Amen. Et Dieu prépare. Na Mungu ko mkutayarisha. Ils sont dans l'atelier. Beko mchapu. Amen. Amen. Frère, nous sommes très précieux. Tout est lié à nous. Avez-vous compris? Tout ce qui se fait sur la terre. Maintenant, tout est lié à nous. C'est nous qui faisons que même la bombe atomique, qui fait que Amen. Amen. Et leur dit non, non. Soyez patients. Dieu est en train d'achever son travail. Kazi yake. Et dès que les enfants seront présentés sur la terre, yake, et ils le reprennent, vous serez libres de faire ce que vous voulez. Amen. Amen. Tout est lié à nous. Mambo yote kone tungujani shi. Tout est lié à nous. Yote bine tongoja nishi. Et nous savons. Na tunajua ya kwamba. Que nous sommes très précieux. Tuko badamani sana. Dieu. Mbele ya Mungu. Et Dieu. Na Mungu. Ne peut pas prendre quelqu'un. Awezi kubeba mutu. Qui est chancelant dans sa vie. Uleko wa kubabai kutenga tenka wa maisha yake. Non. Apana wa shukua na msimamo. Mtu ashoku ya kubeba mpango na kuitumikia. Mtu la siamini ukombozi yake non. Ya utele apana. Dieu n'est pas comme ça. Mungu ana vile apana. C'est pourquoi frère. Joko maana nduku. Croyez fermement. Muamini na imara kabisa. En celui, regardez comment la Bible parle. Tazameni namna Biblia inasema. Isaïe. Isaya. Chapitre 51. Sura 51. Isaïe 51. Isaïa, sura makumi tano na moja. Mais j'aimerais vous lire quelque chose que le Saint-Esprit a déclaré par la bouche de Frère Branham. Dans la prédication, vous gardez Isaïe 51, on va revenir. La prédication intitulée Regarde. Maobiri meitwa Tazama. Angalia. Tazama. Ile tunasema kama Kiswahili. Dans le Swahili facile angalia. Regarde. Angalia. C'est une prédication prêchée. Maobiri ilihubiriwa. Le 28 avril. Le 28 avril 1963. La citation 26. Eh bien, aujourd'hui, Léoï, tout le monde regarde. Tout le monde attend quelque chose. Et il attend que quelque chose arrive. Bantu bote, frère. Tout le monde, nduku. Même quand vous suivez ce qui se fait à l'internet, ata mkifata mambo, ata ma pagano, même les païens, bote bote na sima tous pan. Disent que quand vous voyez la méchanceté, mukiona bubaya, utasika ba pagano, même sema. Les païens dire, en tout cas, il ne mouche pas film. A dit ça, c'est la fin de tout. Iji, ça, dunia na fika kumouche. Le montant vers c'est sa fin. Quoi? Nini nile. Tout le monde pressent que c'est la fin. Jo mwisho et sasa. L'écriture dit na sema, la fin de toute chose est proche. Imekaribia. Comme la fin est proche. Mwisho imekaribia. Bantu bote mumbaro. Tout le monde dans leur cœur, dans leur esprit, ils savent que nous sommes vers la fin. Ils pressentent ça. Bona kusema jo vile. Amen. Amen. Chacun de d'hommes sur la terre sent que quelque kusema, chose sur le point d'arriver. Mais c'est quoi? Ils ignorent. Ni nini mais nous, nous savons ce lakini qui doit arriver. Kini kusika, nous savons que Jésus Yesu, est sur le point muki, muki, yake, de nous mettre sur la scène. Ya kutuweka, siye, tukutonekanisha, siye, sabatoto yake. Amen. Amen. Regardez frère. Tazameni nduku. Comme c'est la fin des âges vizazi de l'église. Ya kanisa, regardez ce qui arrive. Tazameni ile konafika. Suivez très bien. Mufate mzuri mzuri. Mufate mzuri mzuri. Hata mwe mboku pale juu. Comme nous sommes au temps où sable tu kumwakati ile la moisson doit être faite. Mavuno inapaswa kufanyika. Tout œuvre. Kazi yote. Toute chose bitu biote est arrivée à maturité. Bina fika mkukomala. Amen. Amen. La foi véritable. Imani ya kweli. Est maintenant mûre. Na yo inakomala. Le péché. Zambi. Est mûre. Na yo inakomala. Le faux christianisme. Kikristiani kia bongo. A atteint sa maturité aussi. Na kina mukimo ya juu kinakomala kabisa. La méchanceté. Uovu kaizi. Est maintenant au top. Na bobu na kwa bangufu sana, bayulu sana. Observez tout ce qui se fait sur la terre. Maneno yote nafanyika pa dunia. Même la science. Ata elimu. Et à son niveau le plus élevé. Na yo nongezeka sana, inakuwa juu sana. Amen. Amen. Toutes les choses. Bitu biote. Sont maintenant mûres. Binakomala. Pourquoi? Juanini. C'est la preuve que c'est la fin. Ni hakikisho ya kwamba ndio mwisho. La politique siasa a atteint na yonafika mukimo son niveau de mensonge ya le plus ya élevé. Bongo ya yulu sana. Amen. Amen. La fraude Wibzi a atteint son niveau le plus na élevé. Na kwa yulu sana. Tout biote a atteint le sommet. Inafika paka mukimo ya juu. C'est quoi ça? Ni nini ile? C'est la fin de l'histoire. Ni mwisho ya habari. Mais avant la fin de l'histoire de l'humanité, Dieu doit clôturer la fin du programme de l'église aussi. Et comment va-t-il le faire? C'est avec nous. Et nous sommes dans la télé. Amen. Nous sommes à la fin. Observez, frère. Même toutes les grandes nations s'agitent. Je fais une parenthèse ici. Toutes les grandes nations s'agitent. Chaque nation voudrait avoir des armes sophistiquées. Mais posez-leur la question. Pourquoi tout ça? On ne sait jamais. L'avenir est sombre. Où ils vont, ils sentent que non, c'est sombre là où nous allons, l'avenir est sombre. C'est sombre. Que le Seigneur bénisse. Il sent que il y a quelque chose qui veut arriver. Et Dieu, dans le secret, siri, nous a révélé ça. Nous savons que l'enlèvement doit avoir lieu. Tout ça, frère, nduku, ce n'est pas nouveau. Sasa, même avant la naissance de Jésus, kwa Yesu, sur la terre, padunia, on présentait que quelque chose était sur le point d'arriver. Kwa kilifasha kufikia. Même la nature, ata asili, ceux qui observaient la nature sentaient qu'il y a une étoile qui doit apparaître. Amen. Amen. Les mages majusi, dormaient dehors. Ils ont abandonné tout abandonné pour dire que il y a une étoile que nous voyons dans les cieux, mumbingu, une pression kusonga. Amen. Ça veut dire yake, il y a une étoile qui doit apparaître. Mwe, napasha konekana. Elle, un jour, na siku mwe, une nuit, usiku mwe, les matchs pendant qu'ils majusi, étaient là, pale, sa l'un d'eux, il voulait un peu somnoler. Oh, la voilà. Ils ont dit, kweli, on avait ce pressentiment kusema, qu'il y a une étoile moya, qui doit apparaître. Il pasha konekana, et réellement, na kweli, cette étoile est là. Nyota njoi. C'était quel côté? Il quoi ngambo kan? Du côté de Jérusalem. Du Yerusalema. Du côté de d'Israël. Un ngambo à Israël. Allons. Twendeni tufuate. Bana funga safari banene. Ils ont fait leur voyage et les gens sont restés là, ils ont traité comme des fous. Le vrai zélu. Wateule wa kweli. Nous nous sentons. Si kuna shikia kusema. C'est maintenant. Ni hapa sasa. Le temps du nettoyage. Wakati ya kuoshwa. C'est le temps. Kusafishwa. D'une délivrance. Ni wakati totale. Ya ukombozi ya utele. Ni wakati ile. De prendre des décisions. Ya kubeba mpango. Pourquoi? Jua nini? Je sens que quelque chose. Naona kusema kitu fulani kinafia kufika. C'est quoi? Ninini? Il y a trop de mining. Non. Makampuni ya mingi ya mandimu, hapana, ya madimi, hapana. Nous sentons ça. Tunaona kusema njoo vile inafika kufanika. Pour la preuve. Hakikisho. Le Saint-Esprit ne me donne pas ses inspirations pour rien. Asinipatie, asinisukuru. C'est ça le temps. Hivi mabure njoo wakati. Ule zelu. Mule bateule. Donc se débarrasser des choses inutiles. Na bitu biote bia ovyo. Et prendre des décisions. Na kubeba mpango ya imara. Amen. Amen. Frère Branham le dit très bien. Anaisema mzuri mzuri. C'est un titre dans regard. Inapasha paka mumaubiri, tazama. Suivez, je crois, j'ai lu ça ici. Nilisoma hapa. Ah oui, c'est ici. Ni hapa. Regarde toujours. Nipaka maubiri, toujours tazama. Toujours le même sermon là. Paka le maubiri, citation mwamua, tazama. 33. Nukta makumi tatu na tatu. C'est ce que je veux vous montrer. Ce qu'il nous faut, un nettoyage complet. Avant que n'importe quoi puisse commencer de la part de Dieu, il faut être totalement purifié. Et quand nous regardons, nous voyons les choses qui se passent aujourd'hui. Mambo leo, dans l'état actuel des choses, leo, nous pouvons voir qu'il faut que quelque chose ait lieu. Kona kwamba, kitu fulani kifike, amen. Amen. Voyant comment évolue le monde aujourd'hui, tout homme pourrait dire que non. En tout cas, il faut que Dieu arrête ça. Il y a quelque chose qui veut se passer. Amen. Amen. Comment qu'on distrait, frère? Si toi tu es distrait, quoi, kulenga, man, peut-être pour toi, c'est ça le moment que ton commerce aille de l'avant, que tu achètes maison et maison, ainsi de suite. Mais pour les élus, c'est ça le temps de la purification. C'est le temps de régler les comptes. C'est le temps de rechercher la paix. Pourquoi nous sentons que quelque chose est sur le point d'arriver? Amen. Amen. Esaïe 51. Regardez comment il nous parle. Esaïe 51. Versets 1 et 2. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Ceux qui veulent la sanctification. Écoutez, êtes-vous là? Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez à tout prix l'éternel, ceux qui aimeraient rester avec Dieu, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Toi qui t'as sauvé, qui t'a amené dans cette église, qui t'avait convaincu, c'est qui? C'est lui qui a été appelé par Jésus. Ses regards sont braqués sur Jésus. Que je sois semblable à lui. Il est une portion. Le rocher d'où vous avez été coupé. Nous sommes des morceaux. Est-ce que les chrétiens sont là? Écoutez-moi bien. Il y a le grand rocher d'où Ngoï a été taillé. Maintenant, on va dire à ces portions de terre, regardez d'où on vous avait tiré. Toi, es-tu une portion de Jésus? Si tu es réellement une portion de Jésus, est-ce la nature de Jésus qui est en toi? C'est très simple, non? Mais qui est possible? Je suis en garde tout Yesu. Regarde, c'est ma Jésus. Comme il est notre premier-né. Comme lui. Savez lié, je vous allez voir toi quand. Es-tu le jeune frère de Jésus? Vous qui êtes au balcon, est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous avez été taillé. Moi, bali michonga, bali mikata, bali mikata kumwamba uliye Yesu. Vous êtes réellement. Et mungu kweli kweli. La nature, vous avez la nature de Christ. Kweli kweli na hali ya Kristo. L'esprit de Christ. Roho ya Kristo iko ndani mwenu. Les pensées de Christ. Mawazo ya Kristo ndio iko ndani yenu. Vous allez vous dire, ah, frère, je suis déjà baptisé. Oui. Ndio. Nous vivons. Tuko naishi. À la maturité. Mungu kwali ya kumala. Du faux christianisme. Ya bukristu ba bongo. On a lu ça pendant la semaine. Tulisoma kadira yenga. Esaïe 4. Isaïe sura 4. Esaïe chapitre, lisez ça. Musome. Premier verset. Musara kwanja. Esaïe 4. Isaïe sura 4. Angaria Yesu, regarde, angaria Jésus, comparativement à toi. Mujama yako wenjo Yesu. Est-ce dans ta famille, es-tu le Jésus? Bwana kwa nesu kusema uku Yesu. Est-ce que ton mari peut dire que toi tu es le Jésus de son foyer? Est-ce que dans ta famille, ils peuvent se dire que nous avons un Jésus dans notre famille? Dans ton quartier, les gens peuvent-ils dire que c'est toi le Jésus de leur quartier? Esaïe 4. Isaïe Sourine. Cette femme, saisiront en ces jours un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. En d'autres termes, nous allons nous débrouiller nous-mêmes. Le Saint-Esprit, nous allons nous-mêmes nous en donner. La nouvelle naissance, nous allons nous en donner. La sainteté, nous allons nous en donner. Amen. Amen. Tout à quoi qu'au chorale, nous serons nous-mêmes à la chorale. Fais-nous seulement porter ton nom. Ou toi, tu es touché et tu bébé Gina là, qu'on s'appelle Biako. Ou toi, tu es. Laisse-nous. Bah, si tu on ne nous appelle pas seulement païens. Mais tu es quand même mon canis. Venons seulement à l'église. Bah, ni baptise, que je sois baptisé mais quand même. Moi-même, j'aurai à faire ce dont mon cœur me désire. Voilà quoi, mon habillement. Si tu as consulté, je n'aurai à. Pas à consulter ce que dit la parole de Dieu, mon si langage, je n'aurai pas à consulter ce que dit la parole, ma façon si de marier, je n'aurai pas à demander que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. La, ma façon de vivre dans mon ménage, dans mon mariage, ce n'est pas question de regarder à ce que dit la parole de Dieu. Mes activités ne me parlent pas de la parole de Dieu. Ne me parlent pas de la parole de Dieu. Je suis chef de ma propre vie. Amen. Amen. Ma foudre mikuripaka. La lotion que je vais pouvoir appliquer, cela ne vous concerne moi pas. Diacre, vous les diacres, faites votre travail diakona. Pasteur radio qui pasteur s'occupe seulement de la parole de Dieu. Mimi moi, je fais mes affaires. Mais néanmoins, à ta ville et loin, laissez-moi que je vienne au tabernacle. C'est là, il est. C'est le temps. Niwakati, de la maturité. Du faux christianisme. Du Christ qui a bongo. Mais de l'autre côté, c'est l'âge de la maturité kumala, du vrai christianisme. Qui Christ qui a kweli, le vrai christianisme, qui Christ qui a kweli, se regarde à Jésus, ni kuangalia kile Yesu eko, à la parole, kuneno, le faux christianisme, qui Christ qui a bongo, à regarde à ses opinions, ni kuangalia mawazo yako, à ses pensées, mawazo yako, namna kwa kuona, à ses propres motifs, kubipa sababu yako, wewe yako wewe mwenyewe. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce temps. Njoo mwi wakati tuko. Pourquoi? Jua nini? Tout est arrivé yote, en maturité. Kumala, tout est mûr, devenu mûr. Maintenant il faut mavuno ifanyike. Maintenant il faut que la moisson soit faite. Amen. Amen. Esaïe 51. Esaïe 51 na moja. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et maintenant, pour nous aider, comme Abraham est le père de la foi, verset 2, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Lui seul, yeye je l'ai appelé, milita, je l'ai béni, il et multiplié. En d'autres termes, dada, ma soeur, frère, nduku, angaria vile we urianza mambo ya Mungu. Regarde la façon dont tu as commencé avec la parole de Dieu. Abraham et c'est comme ça que Abraham avait vécu. Et tu dis, est-ce que c'est Dieu qui t'avait parlé? Et c'est Dieu qui t'avait convaincu? Frère, Nduku, Abraham. Maintenant, compare-toi à Abraham. Bon, Mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Abraham. Compare-toi à Abraham. Angaria shiku moya, regarde, frère. Un jour, Nduku, un roi de Sodome dit à Abraham que, en tout cas, donne-moi ces jeunes gens que tu as, que je te donne de l'argent. Regarde, prenez Genèse 13. Si tu as boué à moi, je serai comme une tâte. Genèse 14. Moi, je serai comme une aïne. Genèse 14. Mwanzo 14. Quand vous commencez au verset 17, Genèse msara 17. Abraham anatoka kuina mvita. Abraham venait de la guerre qu'il avait gagné. Melchisedek anamubumba. Melchisedek l'a croisé. Banafanya experience anamupa vinyo byote Abraham naye anapokea baraka. Abraham reçu la bénédiction. C'est-à-dire anapatana na Mungu. Il s'est rencontré avec Dieu. Amen. Verset 21. Makumbi la moja. Le roi de Sodome dit à Abraham. Mfalme wa Sodoma akasema na Ibrahimu. Abraham anatoka kupatana na Mungu. Abraham venait se rencontrer avec Dieu. Et Dieu le bénit. Mungu anamu prononcé la bien mingi. Dieu a prononcé beaucoup de bénédictions Abraham sur lui. Abraham anatoka pa que vous présence à Mungu. Sorti de la présence de Dieu. Shetani anafika. Et le diable vint. Ba Christ fait quoi pas? Est-ce qu'il y a de chrétiens ici? Écoutez maintenant. Le roi de Sodome dit à Abraham, parle à Sodome, à Kassem, à Ibrahim, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Mufate, suivez la lecture. Pourquoi a-t-il demandé Abraham les hommes? Abraham venait de la guerre. Ce sont des jeunes gens qui étaient même la victoire, la force d'Abraham. C'était ça la foi d'Abraham. La foi qui est notre victoire. C'est le diable vint. Arrête d'abord avec ce que dit le message. C'est le temps pour toi d'avoir l'argent. Regarde. Tu es encore jeune homme. C'est ça le temps pour toi d'expérimenter les femmes. Amen. Amen. C'est un temps. Le diable, si tu n'as pas abala, abala, tu es vraiment insensé. C'est un temps où tu dois t'ambifier, ma soeur. C'est un temps pour toi. Tu peux aussi tenter de vivre comme tout le monde. Le Seigneur vous bénisse. C'est quoi ça? Nini Léote. Donne-moi les personnes. Donne-moi ce qui fait ta force. Et moi, je te donne la vie. L'ami est venu t'accompagner à Dunia. Je te donne Satan. Jétane. Bon embariqué. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça ne se fait pas dans la vie des frères et sœurs? Dimi ya Mungu, la dîme de Dieu, tu l'as? Bon, bibi yango. Chérie. Tu es Congo l'embé. Ils sont d'abord empruntés. Donne-moi tes personnes. Batu yako. Amen. Ici, les gens sont là, maintenant se rendent compte que l'ancien est ici. Malaïka est quoi? Ce n'est pas moi qui ai préparé ces écritures. L'ange est ici. Malaïka est quoi? Amen. Amen. Abraham répondit. Ibrahim akamujibu mfalme. Au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Na inua mkono wangu kwa milele Mungu Mwenyezi. Miku na lapa. Je le jure. Kumbele ya Yesu la rumita. Devant Jésus qui m'a appelé. Kutokea mazebu na mudunia. Sortant du dénominateur dans le monde. Celui qui m'a sorti de ma coutume, de ma tradition. Quand bien même l'enfant est mort. Quand bien même je n'ai pas du travail. Quand bien même je n'ai pas de mariage. Quand bien même je n'ai pas d'enfant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui donne tout à tout le monde. Et ma force, c'est que je reste avec Jésus, avec sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux rien prendre du diable. Toutes les pensées qui viennent du diable, je les rejette. Les désirs venant du diable, je les rejette. Pourquoi? Délivrance totale. Je ne peux rien prendre du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Si ta wezi beba kitu ta kiwa kiako. Pas même un fil. Ata kankamba kanyushi shwezi. Ni un cordon de souliers. Ya bilatu. Ata kankamba ka ukilatu. Afin que tu ne dises pas. Il suffit que mkusema. J'ai enrichi Abraham. Mili mutajirisha Ibrahimu. Rien pour toi. Hakuna ta kimoya kwangu kiako. Batoto Ibrahim be kwa. Est-ce que les enfants d'Abraham sont ici? Examine-toi maintenant. Examine-toi. Frère, Duku. Le Saint-Esprit qui est ici apa, parlera à chaque cœur individuellement na moyo et mupeke, te montrera les circonstances dans lesquelles mambo ile, tu as été mis devant le choix. Mbele et apo, toi, na weye, tu as pris position pour tes pensées pour détenir la parole. Ukafunyanga neno. Et tu, avec ça, na ile, tu es mûr dans la foi. Uisha komala mimani. Tu es mûr kukomala dans la fausse piété. Mutawa ya bongo. Dans le faux christianisme. Mu Kristo ba bongo jomurosha kuivya. Amen. Amen. Regardez notre fils d'Abraham. Azameni mtoto mwingine wa Ibrahim. Munaamini kwamba malaika kwa hapo. Twende mkutoka. Alonda exode. Twende mkitaba kutoka. Exode chapitre 10. Toka sura 10. Frère, Nduku. Portez le regard sur Abraham. Portez le regard sur le rocher. Normalement, tout croyant est une portion de Jésus qui est le rocher. Oh, frère, moi je suis membre du Kambof Tabernacle Ndio. Mais tu n'es pas Lakini, auna, une partie du rocher Jésus. C'est Mouya Mwamba allié quoi Yesu. Exode chapitre 10. Kitabu akutoka, sura kumi. Regardez cet homme ici. Tazameni huyu mutu. Verset 24. Pharaon appela Moïse. Pharaon akaita Musa. Et dit. Na kusema hivi. Allez servir l'Éternel. Endeni mkatumikieni wa milele. Wewe tu kwenda quand même ku kanisa. Tu peux quand même aller à l'église. Amen. Amen. Unaona kusema tuko mu wakati. Tu vois que nous sommes au temps. Kikristo ya bongo kinesha kukomea. Le faux christianisme a atteint sa maturité. Mtu il faut abakie quand même mu kanisa. Toute personne voudrait avoir une église. Mtu il faut abakie ku chorale. Toute personne voudrait aller chanter la chorale. Mtu il faut abakie mu makazi ya kamera et tout ça. Il faut que tu sois quand même. Wende à ta ville. Amen. Mutu ifa kuyata diakre. L'homme doit chercher à être diakre. Amen. De tout kanisa. Amen. Mutu ifa zucheza kwa tamu kanisa. Danse même dans l'église. Allez. Wende tout à ta ville. Allez. Wende. Ushanze ata kutakata. Il ne faut pas s'ambifier. Ushanze ata kuvala majupe. Il ne faut pas porter des mini jupes. Kuya mupole. Sois douce. Wende. Vas-y. Wende tout. Vas-y seulement. Vous êtes là. Et tu me crois pas. Apa mina huyo aseba Kristo wa biakuri bana shikia. Je sais que les véritables croyants ont bien compris la chose. Servez l'Éternel. Wende, kama kukukazi. Vas-y, s'il y a un travail Wende. À faire, fais-le. Bakilombe biakuri. Si on demande à manger, acha kwa kwa tam. Sombe, peleka laisse chez toi-même le fait de manioc, mais apporte un bon mets à l'église. Que ça soit ainsi. Paye ta dîme. Et pas de problème. Bon que le Seigneur vous bénisse. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Kutabakia umu paka bakondo zenu na bangombe yenu lakini batoto yenu bo mutenda nabo. Sasa onyambie. Dites-moi maintenant. Mui wakati. En ces temps. Kwa budu. Adoré. Kuripasha kufanyika je. Devait se passer comment? Unabeba kinyeki ya mapan. Ce qui est important à l'adoration. Que ça ne soit pas là. Ben toi, mais que nous puissions adorer comme ça. Mais vite. Tu nous laisses parce partir que banyama, parce que le bête ce sont eux qu'il fallait égorger Yesu, Jésus neno, la parole tu nous arraches que nous restions seulement dans l'église que je ne mène pas je ne vive pas ce que dit la parole de Dieu mais que je reste choriste que je reste dans l'église unene. Membre et cela va me suffire non. Un fils d'Abraham dira non nous, notre adoration il nous faut d'avoir les bêtes. Maintenant, comment peux-tu nous laisser partir, nous séparer de Jésus? Cela n'est pas possible. Séparer Jésus de l'église. La parole vraie neno, de l'église. Nakanisa. Or, c'est la parole neno, qui fait les choses. Qui nous change. Qui nous convainc. Qui nous corrige. Qui nous corrige. Et vous voulez retirer ça? Non. C'est ce que Dieu sont devenus les dénominations. Mazebu na kwa leo. On leur a tout donné. Bale papatia biote, la parole. Lakini neno yo, bale banyanganya. Amen. Amen. Et ils sont là. Nabeko pale. Mungu anonesha baloshi. Oh Dieu dit aux oui, on vous a arraché. Bali minyanganya. C'est sur quoi il faut s'appuyer? Yuki tukile mulipasha kutumainia na kutegamia. Amen. Regardez. Tazameni. Moïse répondit. Musa kajibu. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes. Que nous offrirons à l'Éternel. Wewe mwenyewe utetupatia mikononi mwetu ile tunapasha kwenda kutoa ama sadaka na zabihu. Mnamna ngine kusema? Swahili facile. Muswahili yepesi. Ni impossible shi kwa budu bila banyama. Ce n'est pas possible pour nous d'adorer sans que nous ayons les bêtes. Ce n'est pas possible pour nous d'être chrétiens sans Jésus-Christ. Impossible. Aiwezekane kwetu. Que moi de que je croie sans avoir l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'ange est ici. Malaika eko apa. Mwamini vile. Notre peau. Bakondo zetu. Iro avec nous. Bietu, tutenda navyo. Il ne restera pas un ongle. Akutabaki atali kucha. Pourquoi? Juanini. C'est une délivrance totale. Ni ukombozi ya utele. c'est une délivrance totale. Nous kombozi autele. Bien tout biote. Tout ce qui est à nous. Bina pas je crois que Nicolas ya Jésus Christ. Doit être confié entre le main de Jésus. Wakati yam. En montant. Je l'offre à Jésus. Nyumba yam. Ma maison. Ndowa yam. Mon mariage. Jésus Christ. Consacré à Jésus. Amen. Amen. Shunon. Voyez-vous? Yesu niro. Jésus c'est le cœur. Mungu ni muro. Dieu c'est dans le cœur. Vous entendez ça non? Ça c'est le slogan de l'autre côté. Il y a Kikijo. Ils ont donné à Dieu. Il y a Bousséva l'empathie à Mungu. Une partie de. Qui pend de Kiabo. Et l'autre partie de. Qui pend de Kinkine qui n'a pas qu'à quoi Shetani. Comme Samson en fait. Savez Samson et Alifanyaka. Il donne le cœur à Delila. A l'empathie à Moyo Delila. Et le cœur. Namwili. À Dieu. Mungu. Dieu a dit non non. Mungu a sa part. Donne à Delila. Comme c'est elle qui est ton Dieu, tu peux lui donner tout. Moi, si tu veux être à moi, donne-moi tout ce qui est à toi. Voilà, Kanuni à Mungu. Soit tu es entièrement à Dieu, soit tu es entièrement au diable. Nous ne pouvons pas devenir une demi-église. Kanisa à Kipande kwa Mungu. Amen. Soit une délivrance. Voilà, nous composons à Outele. Soit ils ne sont pas délivrés. Voilà, à tout le monde. Amen. Soit. Voilà. Mais comme tout moi. Je suis esclave. Facebook. De Facebook. Soit monsieur n'a tout moi. Ou soit je ne le suis pas. Amen. Amen. Soit. Voilà. Mais comme tout moi. Je suis esclave. Quoi et tout. De ma tradition. Soit, moi, okay, soit je ne le suis pas. Il n'y aura rien qui va rester. Que le diable peut pointer pour dire que dans ma vie, ces choses il vivit tout, ont été il y a dit qu'il y a, pour que les élus, du temps de la fin, voient clair. Bah on est wazi. Je vous enverrai Élie le prophète. Tamitumia Élie Nabi. L'esprit de l'aigle voit Satan. Na mona shetani. Même dans des petites choses. Mona shetani ata mutubitu tudogo tudogo. C'est ce qui fait notre force. Njoo nafanya nguvu yetu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. Tazameni. Comme il était un, c'était un moment. Ça, il quoi, wakati tout. Soit Dieu vous délivre. Voilà, il est. Voilà, Mungu kombo, Dieu ne vous délivre pas. Voilà, Mungu se combo. Lui-même Dieu a dit à Moïse. Il est Mungu qui a Moussa. Comment Michel intervenir? Si moi je n'interviens, Pharaon ne pourra pas vous laisser partir. Exode 6. Kutoka sura sita. Exode 6. Kutoka sura sita. Dieu se révèle à Moïse. Moussa. Écoutez comment il lui parle. Dans Exode 6. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Il est à Pharaon. Tu verras. Délivrance tafanyika. La délivrance aura lieu. Utaona. Tu verras. Qui nous délivre? Ce ne sont pas les prédicateurs. Aina wa ubiri. Dieu Mungu doit te délivrer. Anapasha kukombola. Et quand Dieu te délivre, wakati Mungu anakombola, c'est parfait. Ni kamilifu. Il n'y aura rien de Satan. Akutakuwa kitu hata kimoja cha shetani ndani yako. Kama mbindu ya shetani bidani. Si les choses du diable sont encore manifestes dans ta vie, tu n'es pas délivré. Auja kombolewa. Oh. Dieu que nous adorons, quand il délivre, wakati ana kombola, délivre parfaitement. Et qu'on a kombola, katika ukamilifu yote, kabisa, kabisa, et toi-même, tu en seras témoin. Pour dire que je ne suis plus esclave du diable. Tu verras ce que je ferai. Utaona ile ntampendea. Parce que le prédicateur ou le pasteur ile waubiri wala pastori watafanya. Une main puissante le forcera à les laisser aller. En d'autres termes, pour que tu sois délivré, il faut une main invisible qui doit entrer en scène pour te changer, te délivrer des mains de Satan. Cela est écrit. Cela est écrit pour nous. Que tu comprennes aujourd'hui que alors Dieu ne m'a jamais sauvé, ne m'a jamais délivré. Étant donné que je suis esclave, Dieu n'a pas encore agi dans ma vie. Aïe, attends, maïsha yangu. Voilà pourquoi je me masturbe. Je suis champion de pornographie. On me couche par des garçons. Voilà pourquoi on a tembé la babiana. C'est pourquoi nous vivons voilà dans la maison en tiraillement. Nous sommes un couple non délivré. Il est aïe à combler wabado. Amen. C'est pourquoi je suis tête du. Je vole la dîme. Je suis tribaliste. Niko mutu au penda mambo au babuzi ya makabila. La servitude. Butu moi. Persiste encore. Mingaliki na dumu ndani mwangu. La main puissante. Mikono ya uwezo. Ya agi autrefois. Il est le tumika ya kata zamani. Na pa encore agi chez toi. Aïe a tumika bado kwako. Unaona hata pa kwa ukanisa. Voyez vous même. Biko na kuvu ya nguvu. Pour toi c'est difficile. Kufunga kani. Je n'ai fermé ta pharmacie. Parce que tu n'es pas délivré. Aoui a kombolewa. Pour toi. Kwako wewe. Au temps d'Abraham. Mwakati Ibrahim. Tu as accepté le passage à kuitika mali. Amen. Amen. Mais Abraham lui, a rejeté les richesses. Akakatala mali. Il a gardé Dieu. Akachunga Mungu. Biko clair. Est-ce clair? C'est clair. Niwazi. C'est clair. Biko wazi. Au temps de Moïse. Wakati ya Musa. Si toi tu étais là. Tu aurais dû abandonner le bétail. Et sortir. Unaona? Voyez-vous? Voilà mambo yako vile iko. C'est ça ton cas. Au temps de Lot. Wakati ya Loti. Ungekuwako, tu resterais sur la route. Ta vie Maisha yako ya leo. Ta nature actuelle. Ali yako ya leo. Montre. Inaonesha. Ce que tu allais être. Ulipashaka kuwaka. Au temps de Noé. Wakati ya Noah. Au temps de Moïse. Wakati ya Musa. Au temps d'Abraham. Wakati ya Ibrahim. Au temps de Lot. Hata wakati ya Loti. Et aujourd'hui. Na leo hii. C'est pourquoi. Joka mana. Tu manifestes cette nature. Ukuronesha ile hali ukuronayo leo. Et le Saint-Esprit na Roma takatifu, te connaissant, bila voilà pourquoi il a pris ses écritures. Bila alikosha kujua, njoko pour wana que toute la lumière du mwangaza yote te soit donnée. Ipewe kwako, et que tu t'étais saisi. Na upate kubeba mpango. Tu ne t'auras pas calomné qui que ce soit. Oh non, j'ai beaucoup prié. Apana. Tout au départ. Biote kumwanjo. La main puissante. N'a pas encouragé en toi. Aïe attend ndani ya maisha yako. Et le Saint-Esprit maintenant. Na Roho sasa. Voudrait que tu ouvres ton cœur. Upate kufungua moyo wako. Na ile mkono ya uwezo. Ipate kutenda. Na utaona namna gani ukombozi ya kweli. Pourquoi? Jua nini? Nous sommes au temps de la maturité. Ni njutu kumwakati ya bitu biote kuivya. La moisson doit se faire. Mavuno na pasha kufanika. Il y a un peuple. Kuko taifa moja. Qui est dans l'atelier. Yenye kwa mchapu. Dieu doit manifester. Na vale Mungu anapasha kuonekanisha. Acte chapitre 3. Matendo ya Mitume sura 3. Acte chapitre 3. Matendo ya Mitume sura 3. Acte chapitre 3. Matenda mitume sura 3. Verset 19. Musala kuminatisa. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Mbuni basi na mupate kubadirika. Pour que vos péchés soient effacés. Ili mazambi zenu ipate kuzimishwa. Pourquoi? Jua nini? Kumbele yetu. Devant nous. Kuku bintu bizuri. Ya de bonnes choses. Des temps de rafraîchissement. Wakati ya mapumziko. Vienne. Il y a un temps de rafraîchissement. Les cellules sont en pleine préparation. Sont dans l'atelier. Pourquoi? Il y a un temps devant de nous. Dieu doit présenter ses enfants. Les temps de rafraîchissement doivent avoir lieu. Où Dieu lui-même montrera qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Le temps qu'il faut croire aujourd'hui, le temps de prendre des résolutions aujourd'hui, le temps de se séparer de toutes les mauvaises choses aujourd'hui, maintenant que tu as écouté, c'est aujourd'hui. Le temps pour toi de prendre des décisions, c'est aujourd'hui. Le temps pour toi d'abandonner le paganisme, c'est aujourd'hui. Le temps pour toi de te repentir sincèrement, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui. Si tu es touché, tu peux aujourd'hui quitter ce lieu étant changé complètement. Amen. des temps de rafraîchissement doivent venir de la part du Seigneur. Et quand ce temps arrive, Jésus doit nous être envoyé. Amen. Jésus doit se manifester. On est à combien de temps? Toi et moi, nous sentons ça. Les élus ici. Je vous donne un secret. N'empathie à Siri. Je vous révèle ça. N'amifunuli à Siri. Les vrais élus. Wateule wakweli. En ce moment. Oui, wakati. Vive. Oui, konaishi. Une atmosphère. Mundali limoya ya upeke. Ils ne veulent pas vivre dans la pureté. Eux-mêmes souffrent. Eux-mêmes contrôlent tout. Parce que Mundu a dit. Est-ce parce qu'un homme a parlé? Ou c'est parce que Ngoï a dit Apana? Eux-mêmes sont avec l'ange. Ils ne veulent pas toucher à ce qui est pur. Et ils vivent. Des événements. Eux-mêmes. Il commence à désirer. Il est une sainteté qui n'ont jamais vu. Il est Abadja Ishibado. L'œuvre de l'ange. Gazi ya malaika. Est-ce les élus sont ici? Les élus aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier. Aujourd'hui, eux-mêmes, dans leur vie particulière, personnelle, même si elle est dans le mariage ou le mari lui rend la tâche difficile, même si la femme rend difficile la tâche difficile à son mari, il cherche à être en union avec Jésus-Christ en tout temps. Pourquoi? Il est exposé au soleil. Et la moisson doit avoir lieu. Amen. Amen. Suivez. Fate. Que le ciel doit recevoir. Bingu na pasha kupokea. Yesu na mbingu na mpokela mbele Yesu. Dabo le ciel est. Kulurisha kwa bintu kufanyike padumi. Que la restauration de toutes choses soit faite. Kulurisha kwa neno kufanyike. Que la restauration de la parole soit faite. Kulurisha kwa neno ko kufanyike. Cette restauration de la parole est en train d'être faite. Neno yene kulurisha yo hii unashikia. La parole restaurée c'est celle que tu es en train d'entendre. Après neno unashikia. Après l'écoute de cette parole. Le temps de rafraîchissement. Utashikia na wewe mwenyewe. Et toi-même, tu sentiras que non, il y a quelque oui, chose qui se passe. Cela montre qu'il est à Kwamba, y a une fraîcheur qui vient. Moi, ma musique, me fika. Amen. Amen. Cela montre il est nonesha, l'atmosphère dans laquelle vous Nalili, vivez. Yao, ishi, indique que Kwamba, vous allez vers un temps de rafraîchissement. Joko wakati ya ma pumziko, mais certains Bamoja, sentent la chaleur. Boko na washikia tu kifukutu. La pression du monde. Na dunia, de gagner l'argent. Pata feza, de faire le tribalisme. Babuzi ya makabila. Certains vivent sous la pression. Bamoja bonaishi mukusongwa. M23. Des élections. Kusongwa ya machakuzi. Oh, wee, tu es un raté. Wee, uko muntu tulisha kubishindwa. Tu es un raté. Uko muntu tulisha kubishindwa. Nous vivons dans une pression. Mbari et dimoya, nous désirons cela. Nous désirons tout cela. Cette communion là, il est ushirika. Être comme Jésus. Ipate yakuwa sawa Yesu. Amen. Amen. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça avait été déjà dit. Il est Bonembarik. Le Seigneur vous bénisse. Et nous vivons ça. Na tukuna ishi ile. Écoutez frère. Parce qu'il lisait Wanduku. Prenez Isaïe 8. Je vous ai dit quelque chose. Nane. Isaïe 8. Isaïe sura munane. Isaïe 8. Isaïe sura munane. Unaona? Voyez-vous? J'ai parlé avec quelqu'un. Ni kwa zunguza mtu moya. Du corps médical. Mwenye munganga. Mtu wa mukaja ba munganga. Mufate nimeonesha ka kintu frère. Suivez. Il me dit ceci. On en a tuberculose. Je voyais la tuberculose. Avant même d'envoyer quelqu'un au laboratoire. Il y a ce que nous nous appelons 3T. 3T. Na 3A. Na 3A. Amen. Amen. Ce sont des signes. Ni maalama, même si toi tu n'as pas de labo. Même si on n'a pas encore amené le crachat au labo ou encore amené à la radio, ça va t'aider. C'est ma ouïe mon tour. Cet homme ici a chaque bamba malaria en foin. Amen. Amen. Anasema. Il dit. Tu n'as pas posé comme question. Tu n'as olisé comme soali. Trois T. Qui a quoi? Qui a quoi? Premièrement. Température quoi écoutez. J'ai pris beaucoup de médicaments, mais j'ai fait toujours la fièvre. Amen. Amen. Thé à pire. Le deuxième thé. Est-ce que vous transpirez vos chicos? Et la nuit, et vous avez tout cas, tu transpires la nuit. Dio. Et pourtant, vous n'avez pas coûté. Alors il ne fait pas. Mais vous n'avez pas coûté. Mais j'ai continué toujours à transpirer. Je transpire toujours. Est-ce que. Oui. Tu tousses à tout moment. Oui, oui, Dio. Ça fait. Il est Maolizo Tatu. Il est Nekwanza na tête. Température, toujours élevée. Fièvre coupanda. Fièvre têtue. Il y a qui tu as. Fièvre pas coupanda. Deuxième thé. Transpiration. Utokayasu. Exacéré. Il y a qui la wakati qui vous coûte. Troisième thé. Thé à Tatu. Qui cause. Tu sais qu'il a. À tout moment. On a tout ma écalictol. Écalictol. Bactrim. Akitike. Ukupakana tousse. Bonne embarque. Que le Seigneur vous bénisse. Sasa. Kisha. Anenda. Ku troisième et 3A. Il est ma A. Quand j'ai entendu ça. Quand il fait ta iniskia, il est. Frère. Duku. J'ai dit. Il y a des signes qui ne trompent pas. Malama, il a été gagné qui a parlé. Il est à connaître ce qui vont te montrer que. Yesu est au Kuya. Est à la porte. Ukumu Christu. Es-tu chrétien? Ou tu ne l'es pas? Mukwapo. Et on a parlé de 3T. Tu as ces mêmes mots à 3T. Amen. On a ces mêmes 3A. 3A. On a ces mêmes à quoi? Le premier A. Anoxérie. Anoxérie. Anoxérie. Anorexie. Anorexie. Anorexie plutôt. Anorexie. Oui, c'est ça. Anorexie. L'anorexie. Nini. C'est quoi ça? Kuchokasana. Beaucoup de fatigue. Je ne sais même pas faire des escaliers. Je me sens tellement fatigué. Même pour sortir de la chambre, aller dehors. Je me sens toujours fatigué. Amen. Et ça, quand il parlait, c'est manque d'appétit. Mais il y a un deuxième A, Asthénie. Ni kuchoka sana. C'est ça la fatigue. Hein? Anorexie. Le premier A. Ni nini. C'est le manque d'appétit. Kukosa appétit. Bana kuike bia kure kuria. What? Tu ne sais pas manger. C'est une chose que tu as toujours aimé. Bon, mais qu'on a tafta bintu. Ni bintu gani. Qu'est-ce que tu cherches à pouvoir manger? Asthénie. Le deuxième A. Asthénie. Le premier, le deuxième A. T-H-E-N-I. Avec E à la fin. C'est quoi? Ninini. La fatigue exagérée. Muchoko ya kilamara. Amen. Na utona kusema. Et tu remarqueras que. Bile bintu. Ces choses-là. Kama munganga nanzi kulisa le médecin pose ces questions-là. Munganga nanzi nakona kusema. Et là, le médecin trouve à 90%. Bien mingi on est sur la piste de la tuberculose. Munja kusema huyu ana troisième A. Aya tatu. Amaigrissement. Kukonda. Je crois que je ne me trompe pas. Ah. Trois T. Ma T tatu. Trois A. Ma A tatu. Quand j'ai entendu ça. Wakati nisikia ile. J'ai dit. Nikasema. Dieu fait toutes choses. Mungu anafanya vitu vyote. Même la nature. Hata asili. Nous apprend. Iko natufundisha. Que il y a des signes. Ya kwamba koko maalama. Qui montre que. Ile kunonesha ya kwamba. Soit. Wala. Auna mu Kristo. Tu n'es pas chrétien. Soit. Wala. Tu es chrétien. Oui, moi, y'a pas les frères. Et toi-même, là où tu es, ma soeur, mon frère. Là où et même ce matin. Je peux te monter dans la Bible. Tu vas répondre toi-même. À la question de savoir. Si tu es élu ou pas. Je vous ai fait voir. Namionesha. Que les élus en ce moment. Vivent. Une atmosphère particulière. Pourquoi? Juanini. Eux-mêmes. Bobenyewe. Pas quelqu'un. Apana mutu mingine. qui leur met des principes. Non. Amen. Amen. Suivez maintenant. Vous faites ça, ça. On a pris Esaïe 8. Regardez comment la Bible parle. Verset 18. Voici. Tazama. Moi. Mie. Et les enfants que l'Éternel m'a donné. Moi, c'est qui? Notre premier né. Muzaliwa wetu wa kwanja. Mukubale. Etvula. Mukubayetu. Notre frère aîné. Ulari tutanguria. Celui qui nous a précédé. Mumuito. Dans la vocation. Mutifu. Dans l'obéissance. Mumaonjo. Dans les expériences. Mutemba na Mungu. Et dans la marche avec Dieu. Mie. Moi. Na banduku bale et les frères que Dieu m'a donné. Et les frères que Dieu m'a donné. Qui sommes-nous? Nous sommes des signes et des prodiges. Et notre vie montre que bientôt là, il y a un événement qui va se passer. Dans notre Bible, ma Bible en Guinée, nous sommes des signes et des prodiges. Dans notre Bible, nous sommes des signes et des présages. Quand les gens nous regardent, nous sommes des signes qui ne trompent pas que kusema, Jésus a des frères et des sœurs dans notre parler. Mukusema kwetu. C'est quel temps? Ni wakati gani? Leo. Aujourd'hui. Maintenant, examine-toi. Troate. Ma tétatu, ma atatu. Et quand nous allons te retourner dans les écritures qui sont les labos, tu vas toi-même reconnaître que, frère, je suis païen. C'est moi, c'est de moi qu'on parle dans Esaïe 4:1. Les sept femmes qui chercheront à s'accrocher à un homme, ils ne laissent même pas saisir toutes ces femmes pour dire non, nous continuerons à vivre tes convictions. Laisse-nous seulement venir à l'église. C'est moi qui suis dans ce nombre-là. Nous sommes au temps où tout comme quand il est Jésus-Christ qu'on a au corps. Si tu acceptes de sortir tel que tu es entré, c'est toi-même. Quand nous allons te montrer, si tu trouves que ce n'est pas comme ça que ta vie, repentez-vous et convertissez. Jésus est ici. Moi Jésus, Dieu m'a donné en étant mes frères et sœurs, nous tous, mes fils et filles d'un même père. Si nous sommes des signes. Alama frère, un signe Nduku. Oui, dans la vie païenne, quelqu'un qui va au champ, des fourmis rouges, il va se dire non, non, non, non. Là où nous allons, c'est pas bien, rentrons. Quand vous voyez des fourmis rouges comme ça, qui présagent que là où tu vas, que il y a quelques rouges qui ont vécu cela dans leur vie païenne. Vous avez grandi en Europe. Nous qui avons grandi du côté ISPT, dans la bourse là, on dit non, il y a des fourmis rouges, rentrons. Parce que c'est là où on est à attraper les sauterelles, souvent les des fourmis rouges, peut-être devant il y a un serpent et nous rentrons. On nous disait que si vous voyez les fourmis rouges, c'est que là devant il y a un danger. Et Nafile Toukoua Batif, maintenant, ça, c'était ainsi. Il croit qu'on est à l'âme. Comme on a un frère, si tu trouves un frère ou une soeur, comme on est rien, si tu trouves que toi-même, frère, Nduku, Dada, toi-même tu trouves que pour exécuter ce que la parole de Dieu te dit, toi tu mets toujours en pratique tes pensées. Quand on vient devant Dieu, on est comme la femme samaritaine. Je vois que tu es prophète. Non, on a comme, oui, oui, ni nabi. Oui, donne-moi un peu de cette eau-là. On est parti à combler les matchs. Il est une femme qui ne s'y roudait pas. Appelle-moi ton mari. On était bon à Yaku. Non, je n'en ai pas. Tu as dit. On a sema ukweli. Mwile. Parle aussi selon la vérité. Sema na wewe, fatana na ukweli ya moyo wako. Unaishika sauti ya Mungu. Est-ce que toi tu vis la parole de Dieu? Oui, tu donnes échec de sauti. Sœur, est-ce que toi tu vis la parole de Dieu? Premièreté. Il est nité ya kwanza. Que le Seigneur vous bénisse. L'ange est ici. Malaïka est quoi? C'est pourquoi je suis à l'aise. Je comme aller au Dieu. Même si les devins faisaient des incantations. Ni comme vous fournissez la malaïka. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des signes. Tout conjo malam. Et des prodiges. Nama ajab. De la part de l'Éternel des armées. Wa upande wa milele wa majeshi. Qui habite sous la montagne des cieux. Si l'on vous dit, kama bakimionesha, on a ski, hein? Si l'on vous dit, kama bakimionesha, kama mawazo nakulamuka, si une pensée s'est levée en toi, kama manie nakulamuka, si des désirs s'est levé en fanya toi, ibi, oh, fais ceci, sema ibi, dis ça, mui mambo, dans cette affaire, kumbi fanya ibi, alors agis ibi dans ça, étant donné qu'on t'a fait ça, ibi, réagis ainsi, binalamuka wapi, si cela s'est levé, mumoyo wako, ça va s'élever où? C'est dans ton cœur. Répondez, Djibou, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Incroyant. Regarde toujours à la parole de Dieu. Dès qu'un problème arrive, incroyant, c'est toujours dit non. Dans cette affaire, j'ai mal agi. Ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui a raison. Et c'est comme ça que tu as toujours réagi. Oh non, m'a poussé à le faire. Je ne l'ai pas voulu. Incroyant. Dès qu'on t'a dit, fais ça. Une pensée s'élève en toi. Fais ceci. Agis de la sorte. Prends la dîme. Et mange. Incroyant. Est-ce que tu ne consultes pas Dieu? Ton mari t'a dit, Bibiang. Chérie, pourquoi tu me manques du respect de la sorte? Comment tu es une femme insoumise? Comment nous pouvons vivre entièrement? On vous dit, ne peux-tu pas te tourner vers Dieu? Et dire Seigneur, ce que lui constate, il n'est pas de Satan. Il vit avec moi. Quand il me le dit, wakata nanyonesha, ce n'est pas parce qu'il me déteste. Aina njua sana nchukia. Il veut m'aider. Anapenda unisaidia. Ne peux-tu pas te tourner vers Dieu? Et demander à Dieu. Mutazamia Mungu na kumuliza. Seigneur. Bwana. C'est que mon mari dit. Ile bwanangu anasema. C'est que ma femme dit. Ile mke wangu anasema. C'est la vérité. Ni bia kweli. Je suis, j'ai un cœur dur. Niko na moyo wa mgumu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois. Namin. Bigou bien. Est-ce bien? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. On respecte le temps. Nanyeshimu wakati. Je suis chez nous. Niko kwetu. On verra ce que le Seigneur. Taona ile bwana atawezi kufanya. Il est déjà j'ai dépassé même de 10 minutes. Napitisha dakika 10. Nous tenons rumi. Ça excusez-moi, veuillez me pardonner pour ça. Ainsi donc. Ivi basi. Comme des enfants de Dieu. Saba toto ya Mungu. Je m'arrête d'abord ici. Ni pale nasimamie. Le souci profond. Angaiko ya upana. Mu Christo. Pour un chrétien. Partout là où il se trouve. Fazi yote napatikana. Il est qu'il ait le souci. Awe na nia. De demander. Angaiko ya kulomba. Est-ce que suis-je un signe pour Adolphe? Mie niko alama juu ya fulani. Même Adolphe ici peut croire que je suis. Et Adolphe anaweza kuamini kwamba mie niko muujiza wa Mungu. Parce que le prodige. Juu maajabu muujiza. On ne sait pas expliquer. Ni kitu kila uwezi fasilia. Uyu bibi yangu frère. Mon épouse ici. Ari kwa kichwa nguvu sana. Était tellement têtu. Mais. Lakini. Une main puissante. Mkono moya uwezo. La changer. Ikambadirisha. Ubwana yangu. Mon mari ici ndu. Ari kwa musharati. Était tellement adulte. Aranza kuna pombe mnyongo. Il prenait l'alcool dans la maison. Ufata ma match paka televizyon mnyongo. Il suivait les matchs à la télé. Mais une main puissante. Lakini moya mkono moya uwezo. Ikamkombole. Ikamkusa. Ni mujiza. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit Rome takatifu, nous enseigne. Fundis, mais, lakini, nous sommes au temps où il faut prendre des décisions. Inapasha kubeba mpango. Pourquoi? Juanine, vous allez sentir qu'il y a une fraîcheur qui commence à vous environner. Si vous n'êtes pas dans ce cas, repens-toi et prends la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la chorale nous entende. Koku kuika la chilo bo. Je ne m'en parle pas. Si vous sommes attendus pour la sana. Tout à si maman. Prions ensemble.